scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1961, première émission. Le passé est radiophonique, comme l'on dit d'un individu qu'il est photogénique. Oui, les archives radio conservées par l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, sont là pour le prouver. Mais comment les entendons-nous, ces archives ? Ainsi, l'année qui nous intéresse aujourd'hui, 1961. Serons-nous, l'espace d'une minute ou d'une heure, des auditeurs de 1961 ou d'aujourd'hui ? À quoi doit ressembler le passé pour qu'il nous intéresse ? Doit-on avoir l'impression de découvrir ou l'impression de savoir déjà et donc de sentir notre mémoire s'éveiller ? 1961, une année commence. Lorsque l'année paraît, lorsque l'enfant paraît. Débuterons-nous l'année 1961 par une naissance ? Non, mais par les propos d'un pédiatre. Extrait d'une émission scientifique, Le progrès et la vie, diffusée le 4 janvier 1961 sur Paris Inter. La mortalité a baissé ces dernières années dans des proportions considérables. L'espérance de vie, vous le savez, était de 24 ou 25 ans sous Louis XIV. Elle est aujourd'hui de 70 ans et davantage pour les femmes, d'un peu moins pour les hommes. Vous le savez, nous vivons moins longtemps que nos compagnes. Comment peut-on expliquer tout cela ? Nous savons aujourd'hui combattre les microbes, vacciner préventivement, utiliser les antibiotiques. Il faut ajouter que, parallèlement, le bien-être général a augmenté. Les techniques d'anesthésie sont devenues beaucoup moins offensantes pour les organes si fragiles que sont le rein et le foie. L'emploi de l'oxygène ménage les cellules nerveuses qui sont si sensibles à l'asphyxie. Les chirurgiens d'aujourd'hui possèdent aussi des méthodes de réanimation, de transfusion, de perfusion. Je crois, monsieur le professeur, que vous avez eu l'amabilité de faire venir aujourd'hui la maman d'un de ses enfants qui va nous dire quelques mots, qui va nous conter comment elle a été appelée à vous amener son bébé. Oui, c'est bien cela. Madame, voulez-vous nous rappeler ces moments affreux que vous avez traversés ? Quand il prenait son biberon, il avait beaucoup de mal, il rejetait tout ce que je lui donnais. D'ailleurs, j'ai gardé le film qui nous a servi à faire le diagnostic. Je vais vous le faire passer si vous le voulez bien. Si vous voulez regarder, vous allez constater un certain nombre de choses tout à fait nettes. Nous venons d'introduire dans l'œsophage une petite quantité d'un liquide opaque à base de baryte. Vous voyez maintenant sur l'écran que le liquide s'arrête au milieu du conduit. Une partie de ce liquide va passer dans la trachée. D'ailleurs, à ce moment, l'enfant tousse comme quelqu'un, permettez-moi l'expression, comme quelqu'un qui a avalé de travers. Dans ces conditions, le diagnostic n'est pas douteux. Eh bien, madame, je vais vous demander maintenant de nous dire comment votre enfant se trouve-t-il ? Est-il tout à fait guéri ? Mais monsieur, c'est un miracle. Maintenant, il pousse comme les autres enfants. Il va très bien. Il avale sans biberon, sans la moindre difficulté. Sans la moindre difficulté. Je viens quelquefois le ramener à la consultation pour voir si son état est parfait. Okay, merci beaucoup, madame. L'actualité en ce début de 1961, en France, c'est bien sûr l'Algérie, les événements. À l'étranger, c'est l'élection toute récente, elle remonte à novembre, du nouveau président des États-Unis. Il prête serment ce 20 janvier 1961. Eh bien, depuis midi heure locale, c'est-à-dire 18h pour nous, heure de Paris, John Fitzgerald Kennedy est, pour 4 ans, le 35e président des États-Unis. Les cérémonies se déroulent en ce moment même, et je vais essayer d'appeler New York, où notre correspondant Pierre Kenness suit bien entendu les différentes phases de cette installation présidentielle. À vous, New York. Ici Pierre Kenness à Washington. À 16h hier, une tempête de neige s'est abattue sur Washington, et en début de soirée, la ville disparaissait sous 25 cm de neige et le vent soufflait à 30 km à l'heure. Alors que les festivités devaient commencer, le plus gigantesque embouteillage que Washington ait jamais vu bloquait toutes les artères. 400 spectateurs sur les 3000 prévus avaient pu gagner la salle de concert, 25 musiciens de l'orchestre philharmonique sur 100. Le président fut coincé dans des rues où les voitures s'enlisaient. Même le service secret perdit une de ses voitures dans la neige. L'avion de l'ex-président dut atterrir à Washington. Stoïque et souriant, Kennedy, en annulant quelques manifestations auxquelles il devait assister, a pu tout de même respecter son horaire, ou à peu près. Et c'est à 4h du matin qu'il est rentré se coucher à son domicile de Georgetown. Ce matin à 9h, il a assisté à la messe à l'église de la Sainte Trinité. Depuis les premières heures du jour, des centaines de grues et de camions dégagent les voitures en panne et absorbent les milliers de tonnes de neige qui encombrent les avenues par où doit passer le président. Ce matin, les rues sont claires, comme le ciel, le vent est fort, mais le soleil présent. Peu de monde encore dans les tribunes. Le président élu va chercher à la Maison Blanche le président sortant, et les deux hommes, en haute forme, dans une voiture au toit de plexiglas, se rendent au Capitole à vive allure. Escortés par des sidecars de la police et les agents des services secrets. Au Capitole, une estrade de style grec a été dressée sur les marches. Les invités prennent place, membres du gouvernement, diplomates accrédités. Au premier rang, Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon. La cérémonie a du retard sur l'horaire, si bien que les États-Unis sont restés sans président pendant 51 minutes 10 secondes. Le mandat d'Eisenhower se terminant à midi et celui de Kennedy ne commençant qu'à l'instant où il prête serment. Richard, cardinal Cushing de Boston, fait une invocation et pendant la prière, les employés du Congrès se précipitent car la tribune fume dangereusement et menace de prendre feu. Le coup-circuit semble découvert et la cérémonie continue. Marianne Anderson chante l'hymne national. Par les représentants de différents cultes, le président prête serment. Il est midi, 51 minutes 10 secondes. Earl Warren, président de la Cour suprême, lui tend la Bible. Kennedy pose sa main sur le livre. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. Je, John Fitzgerald Kennedy, jure solennellement que j'exercerai avec fidélité ma tâche de président des États-Unis et que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis de mon mieux. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and put that in. Paris, on écoute le président Kennedy prêter serment et sur les planches d'un théâtre parisien, on accueille un spectacle américain. Comme chaque soir de première, les micros se tendent vers les Happy Few. Tous, ils ont aimé. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have, though, to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Oh, je trouve ça absolument admirable. Admirable, la chorégraphie de Robbins, la musique de Bernstein, et même dans la première partie, là, certaines scènes m'ont beaucoup ému. Vous êtes en vacances ce soir, vous ne jouez pas? Non, je recommence demain soir. Vous êtes venu avec Romy Schneider? Oui. Merci Alain Delon. Oh, c'est le plus beau musical que j'ai vu. Je trouve la chorégraphie de M. Robbins sublime, merveilleux, magnifique. Merci Romy Schneider. Pierre Jorgens, est-ce que ça vous plaît aussi? Moi, je vois cette pièce ce soir la troisième fois. Et je crois que c'est la plus belle que je peux me rappeler, que j'ai jamais vue sur scène. Vous l'avez vue aux États-Unis ou en Angleterre? Je l'ai vue une fois à Londres et une fois à New York. Est-ce aussi bien à Paris? Et c'est exactement... Même moi, je l'aime encore mieux ce soir parce que c'est la troisième fois que je l'entends. Je connais déjà la musique, j'attends déjà les grandes scènes. Et moi, je trouve ça sensationnel. Merci, c'est vraiment du grand théâtre. Jacques Brel, vous rentrez du Canada. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir West Side Story aux États-Unis en passant? Ah non, là-bas. Vous ne l'aviez jamais vu? Non, jamais. Je connaissais les disques, je connaissais la partition, mais enfin, je n'avais jamais vu. Que pensez-vous de ce spectacle? Moi, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, je suis debout là, mais je suis vraiment sur les fesses. Je trouve ça extraordinaire. Il y a une mise au point, d'abord, qui me tue, à laquelle on n'est pas habitué, en général, de ce côté-ci, comme ils disent de l'autre côté. Et puis... Il y a surtout la partition, je crois que c'est une partition remarquable. Au point de vue musique, c'est... Ah oui, moi je trouve ça, c'est ce qui me frappe le plus peut-être. C'est le point de vue d'un spécialiste, merci ouais, Jacques Brel. Formation. Et je l'ai déjà vu, moi je l'ai vu à New York, et chaque fois que je le revois, je le trouve de plus en plus formidable. Mais alors je ne suis pas une spectatrice fraîche, je suis une vieille. Oui, mais ça n'a pas d'importance, vous trouvez que le spectacle est aussi bon à Paris qu'à New York? Ah oui. Merci Mylène de Bongeau. Je suis prêt à payer, même moi personnellement, et qu'on ne me paie pas pour jouer un spectacle pareil, tellement c'est extraordinaire. Et je souhaite non pas que ce spectacle fasse 20 jours, mais qu'il leur fasse 30, 40, 50, 100, et surtout qu'il ouvre les yeux à certains producteurs de chez nous qui disent très haut que c'est impossible en France de monter un spectacle pareil. Et moi je dis que nous avons des éléments ici en France, ils n'ont qu'à chercher, croyez-moi, il y a des éléments pour monter, et ils feront de nombreuses semaines avec un spectacle comme ça. C'est l'avis de Félix Martin, merci. Et c'est le mien, mais oui. West Side Story dont il est question, c'est donc la comédie musicale. Le film, lui, ne sortira qu'à la fin de l'année. Voici pour l'Ouest et à l'Est, quoi de nouveau? L'exploit du commandant pilote Youri Gagarin, dont le voyage dans l'espace a déclenché la joie à Moscou. Ce qui reste, ce qui éclate à la minute présente, c'est, après l'exploit sans précédent des savants et techniciens russes, c'est la fierté et la joie de la population moscovite. Et la première chose que nous allons faire ce soir, c'est établir la liaison avec notre confrère Victor Martinov de la radio soviétique pour qu'il vous décrive, pour qu'il vous fasse entendre lui-même cette explosion de joie. Mon micro a failli éclater. Chers amis, ici Victor Martinov de Radio Moscou. Je me trouve en ce moment... Je suis un peu à bout de souffle. J'ai laissé ma voiture et je viens de courir à travers la place rouge. Les moscovites et les soviétiques sont venus pour exprimer leur joie, leur enthousiasme. Vous entendez ces cris de joie. Ce sont pour la plupart les jeunes qui crient en l'honneur de Youri Gagarin de cet exploit de la science soviétique qui a réalisé le rêve de l'humanité. Voilà, vous entendez? Gloire à la science soviétique, gloire à Youri Gagarin. Eh bien, c'est la science soviétique qui a réalisé le rêve de l'humanité, le premier vol cosmique avec l'homme. Voilà, on me présente une jeune fille qui parle français apparemment. Moi, je ne sais pas si il parle en français un tout petit peu, je ne sais pas ce que vous me dites. film, c'est la grande victoire de notre science, le lancer de notre onde physique dans le cosmos. Et nous sommes très contents, très heureux. Vous êtes étudiante de l'université de faculté d'économie politique et encore j'ai étudié un peu, s'occupé le français. Voilà pourquoi je ne sais pas ce que vous venez. Vous vous appelez? C'est de grande joie. Moi, je m'appelle Natacha. Ils ont formé une ronde sur la place rouge devant le mausolée de Lénine et ils dansent, ils chantent, et ils lancent des cris d'enthousiasme en l'honneur de la science soviétique de Yuri Gagarin et du peuple soviétique. Nous participons à notre première cosmonaute. Nous saluons notre premier cosmonaute de notre pays. Nous les aimons et nous voulons tous les bonheurs pour lui. Mon cœur est plein, mais je ne peux pas parler, je ne peux pas dire rien. Mettez-vous à leur place, avouez qu'on la comprend cette joie. Et Yuri Alexeyevitch Gagarin, qui êtes-vous? Eh bien, c'est la question que tout le monde s'est posée, je suppose, en regardant longuement la photo que publient les journaux du soir. Bien sûr, pour le monde entier, Gagarin, c'est un héros. Mais encore. En attendant qu'il regagne sa capitale pour être présenté à la presse internationale, et quel accueil, vous imaginez, notre correspondant Serge Mazankin nous donne quelques précisions. C'est un jeune homme au trait régulier, une bouche bien dessinée, une petite frisure au menton. Il est apparu au téléspectateur coiffé d'un casque de cuir mou, comme en portent tous les aviateurs du monde. C'est certainement un homme très doué du point de vue scientifique, car son grade de commandant dans l'aviation de guerre soviétique, 4 années après sa sortie de l'école des pilotes d'Orenbourg, prouve qu'il a rapidement monté les échelons, ce qui, en temps de paix, ne peut être que le cas de sujets d'élite. Nous connaissons déjà la voix de ce premier cosmonaute. Oui, cosmonaute, encore un mot qui a l'air d'être né officiellement aujourd'hui. Nous connaissons cette voix captée par la station des postes et télécommunications de Noiseau, alors que Gagarin achevait son vol fantastique. Nous vous l'avons fait entendre déjà plusieurs fois au cours de cette matinée. La revoici, car c'est une chose unique, c'est une chose que vous n'entendrez jamais plus, puisque ça ne sera jamais plus la première fois. Отключаюсь и возвращаюсь домой. Я вино прием. Et que disait ainsi l'homme de l'espace, c'était à peu près ceci, selon la traduction qui nous en a été faite. Maintenant, je rentre à la maison. Et on peut supposer qu'il rentre à la maison heureux, bien sûr. Comment réagit-on en France? La vraie question plus flatteuse serait « La France a-t-elle attendu les soviétiques pour s'intéresser à l'espace autrement que par la littérature ou la bande dessinée ?» Le voyage de Gagarin date du 12 avril 1961, celui d'Hector dans la fusée Véronique du 23 mars. Nous avons près d'un mois d'avance sur les Russes. Bon, il ne s'agit que d'Hector, mais Hector, lui aussi, à sa manière, en avait profité pour faire de la radio, et c'est ce qui nous intéresse en fait. Redécouvrons Hector. Pour tous ceux qu'intéresse le prodigieux développement scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence, voici Le Progrès et la Vie, une émission de Paul Sarès réalisée par Paul Castan. La fusée et le rat, tel sera le sujet de notre entretien. Ce soir, le général Grandpierre, le commandant Brice, le capitaine Châtelier et leurs collaborateurs ont bien voulu recevoir Paul Sarès au Centre d'études et de recherche de médecine aéronautique. Nous sommes au CERMAT, dans le laboratoire de physiologie. Bonjour mon général, bonjour messieurs. Nous vous remercions de bien vouloir nous recevoir pour nous parler de l'expérience que vous avez réalisée à Colombéchard. Expérience au cours de laquelle, pour la première fois au monde, vous avez pu faire l'électroencéphalogramme d'un être vivant échappant à la pesanteur. Nous avons tous appris avec beaucoup de soulagement que l'épopée du rat Hector s'était terminée heureusement, et que le 23 février dernier, Hector était revenu à Paris, en fort bon état d'ailleurs, malgré les fines électrodes plantées à demeure dans son cerveau. Mais tout d'abord, mon général, comment se porte aujourd'hui notre vedette de l'espace ? Eh bien, Hector se porte très bien pour l'instant. Du reste, vous le voyez là, dans cette cage. Il est accompagné de ses compagnes, qu'on lui a redonné au retour. Et vous voyez qu'il est vraiment, même cage ouverte, il se laisse caresser. Il reconnaît même, semble-t-il, les personnes qui l'approchent. Eh bien, maintenant, nous pourrions peut-être imaginer avoir assisté à l'expérience, et pour nous aider à imaginer ceci, nous pourrions peut-être entendre certains enregistrements que vous avez réalisés au cours de cette expérience. Je crois qu'il y avait d'abord un appareil qui était placé à bord de la fusée Véronique, qui a enregistré, si vous voulez, l'ambiance qui y régnait. Nous pourrions peut-être entendre ce document. Oui, effectivement, à bord de la fusée, il y avait un enregistreur de bord qui a enregistré plusieurs paramètres physiques, et notamment une ambiance sonore dans l'habitacle lui-même où se trouvait enfermé le rat. Eh bien, mon général, nous avons vraiment eu l'impression d'être à bord de la fusée Véronique. Oui, vous avez entendu ce bruit qui a été enregistré à l'intérieur de la fusée. Et bien entendu que cet enregistrement est un enregistrement tout à fait contrôlé. Ici, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais nous pouvons analyser ce bruit, en avoir tout le spectre sonore, pas ultrasonore et infrasonore, qui va s'enregistrer ces jours prochains sur d'autres appareils. Et de plus, nous avons l'intensité exacte. L'appareil que vous venez de voir fonctionner, qui vous a donné ce bruit de fusée, je crois que c'est tout de même un document qui est assez rare. Et puisque nous en sommes dans le domaine des documents sonores, je crois que vous avez un document encore plus important, c'est celui de l'enregistrement du cœur et même de la respiration de l'animal pendant ce vol. C'est ça. Cet enregistrement que vous allez entendre est un enregistrement fait, lui, pendant le vol. Mais c'est sur ruban magnétique. Vous avez à la fois le rythme cardiaque, ce qui fait les pam, pam, pam, pam, et en même temps, ce bruit plus soufflé est un bruit qui témoigne de courants d'action plus prolongés, n'est-ce pas, moins net, et qui est le bruit respiratoire. Les deux bruits sont mélangés sur le ruban magnétique. Merci Hector. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1961. Compte tenu de toutes les données parisiennes, nationales, internationales du problème que considère comme nécessaire que ce recours à l'autocirculation soit proclamé aujourd'hui. Au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue le code de la route, de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les automobilistes parisiens dans leurs 20 arrondissements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. L'autocirculation par Henri Tiseau au théâtre de 10h en 1961, sketch en écho évident au référendum sur l'autodétermination du peuple algérien. Henri Tiseau, imitateur attitré du général et aussi comédien dans le feuilleton Le Temps des copains, diffusé sur la première et unique chaîne de télévision française. Si vous ne l'avez pas vu, ce feuilleton, vos parents ou vos grands-parents l'ont vu. Nous arrivons à quelle heure à Mâcon, mamie ? Je ne sais pas. Dommage, Dijon est tellement plus joli. Les amis, c'est à moi. Au revoir, Marie. Bon soleil. Au revoir, ma vieille. Au revoir, docteur. Au revoir, chef. Salut, ton brave homme de père. Et toi, Geneviève. Salut! Adieu. Bonne année. Il était mieux, hein? Il est bouleversé, mais il crèverait plutôt que de le laisser paraître. Bonjour, Albert. La voiture est dehors, monsieur. Merci, Albert. Un chic type Jean. Et un grand seigneur. Il est refiancé à cette Judy? Oui, oh. Pour que son père ne lui coupe pas les vivres. Oui. Mais un jour, il en verra tout balader, vous verrez ce que je vous dis. Alors à ce moment-là, je me ferai envoyer 10 cajots de légumes par jour d'Avignon. Comme ça, on s'en fichera que le père de l'arbre lui coupe les vivres. Le temps des copains. Les grandes heures de la télévision française, vous pouvez en trouver des pépites sur le site ina.fr. 1961, c'était en effet Henri Tizot, imitant qui vous savez. Et plus sérieux, ce fut 1961, fin avril, le putsch des généraux. Cela commence, bien entendu, à Alger. Ici Radio France à Alger qui vous parle sur les ondes d'Alger 306 mètres, d'Oran et de Constantine 262 mètres. Cette émission est relayée sur 25 mètres de longueur d'onde vers les départements du sud algérien. Voici nos informations. 100 000 Algérois se sont rendus hier en fin de journée sur le forum au lieu de l'Algérie française pour manifester leur reconnaissance à l'armée et acclamer les quatre chefs prestigieux qui ont pris la résolution de garder l'Algérie dans la France. Les généraux Challes, Salan, Zeller et Jour, réunis sur le balcon, se sont successivement adressés à l'immense foule. Voici les allocutions des généraux Challes, Salan, Zeller et Jour. Algériens, voici ceux qui sont venus avec vous pour se battre, souffrir et mourir s'il le faut pour que l'Algérie reste terre française. Grâce à l'armée française, nous garderons ce sol de la patrie afin qu'une Algérie nouvelle naisse dans l'union des communautés, dans une patrie toujours française. Algérienne, Algérien. Nous nous retrouvons ici, sur cette place, où ensemble nous avions fait le serment de garder l'Algérie à la France. Tous les quatre, malgré toutes les embûches qu'on a mises sous nos pas, nous avons réussi à venir auprès de vous et auprès de vous. Nous resterons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire que nous vous avions promise ici, et cette fois-ci, nous la réaliserons. Et je suis venu de France pour rejoindre mes amis. C'est parce que je pense que si l'Algérie a besoin de la France ne peut pas se passer de l'Algérie. Vive l'Algérie, vive la France! Algériennes, Algériens, mes chers compatriotes, il était pour moi simple de me trouver aujourd'hui parmi vous dans le combat que nous menons pour que notre terre natale, à nous, reste française à tout jamais. Depuis 6 mois, à Paris, le général de Gaulle s'adresse aux Français de métropole et des départements algériens. Nous sommes le 22 avril et la seule et grande question est: quelle va être l'attitude de l'armée en Algérie ? Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne, égarée de craintes et de mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif, mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Car l'immense effort de redressement de la France, entamé depuis le fond de l'abîme le 18 juin 1940, mené ensuite, en dépit de tout, jusqu'à ce que la victoire fût remportée, l'indépendance assurée, la République restaurée, repris depuis 3 ans, afin de refaire l'État, de maintenir l'unité nationale, de reconstituer notre puissance, de rétablir notre rang au dehors, de poursuivre notre œuvre outre-mer à travers une nécessaire décolonisation. Tout cela risque d'être rendu vain à la veille même de la réussite par l'odieuse et stupide aventure d'Algérie. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé, notre rôle et notre place en Afrique compromis. Et par qui ? Hélas, hélas, hélas, par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. L'argument suivant lequel il pourrait être localement nécessaire d'accepter leur commandement sous prétexte d'obligations opérationnelles ou administratives ne saurait tromper personne. Les chefs civils et militaires qui ont le droit d'assumer les responsabilités sont ceux qui ont été nommés régulièrement pour cela et que précisément les insurgés empêchent de le faire. On se souvient aussi de l'appel du Premier ministre Michel Debré. Pour ce qui est de la suite des événements, tout le monde la connaît. Dès que les sirènes retentiront, allez-y, à pied ou en voiture, convaincre des soldats trompés de leur lourde erreur. Il faut que le bon sens vienne de l'âme populaire et que chacun se sente une part de la nation. On habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt. Elle et toi, on va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte-Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine. On dirait, on regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine. France Culture, les années 60, 1961. Comment se porte l'économie française? Même au beau milieu des Trente Glorieuses, on s'inquiète dans certains secteurs. Ainsi, dans celui de l'industrie textile. Tiens, déjà, oui, déjà. Les industries textiles européennes, et notamment françaises, subissent actuellement et de plus en plus des concurrences extérieures anormales. Quelles sont les données du problème? Et quelles solutions peuvent lui être apportées? C'est ce que Paul Soukas a demandé à M. Robert Trocmé, président de l'Union des industries textiles, à l'issue de sa conférence de presse. L'industrie textile occupe dans les activités économiques de la France et les pays de la communauté européenne une place importante que marque le nombre de salariés qui y travaillent, 500 000 personnes en France, et plus de 2 millions dans la communauté économique européenne. Elle se trouve à l'heure actuelle confrontée avec un problème grave, celui des concurrences extérieures anormales. De quel pays, par exemple, émanent ces concurrences? Eh bien, de deux sortes de pays. D'une part, des pays à salaire anormalement bas, du type extrême-oriental, par exemple. D'autre part, des pays à commerce d'État, qui exportent leurs produits textiles à des prix qui, parce qu'ils sont commandés par des raisons de politique générale, ne sont plus obligés de tenir compte de leurs coûts réels. Si je comprends bien, la caractéristique commune de ces pays est d'exporter des produits textiles à bas prix qui, s'ils étaient introduits librement sur le marché français ou sur le marché européen, désorganiseraient probablement complètement ces marchés. Eh oui, c'est bien cela. Le problème est ici d'autant plus difficile que ces pays, notamment ceux qui sont en voie de développement, ont certainement besoin d'exporter. Il faut donc trouver une solution qui permette l'essor des pays en voie de développement sans pour cela compromettre l'existence des industries textiles européennes et le plein emploi de leur main-d'œuvre. Or, on peut y arriver. Le développement prévisible de la consommation textile dans le monde devrait, en effet, permettre d'assurer aux pays neufs une place progressivement croissante sans pour cela gêner l'expansion des industries textiles occidentales. En effet, les experts démographes nous affirment que la population du globe va doubler dans les 40 années à venir. Et comme le niveau de vie s'élèvera en même temps, on voit l'importance des besoins qu'il faudra satisfaire. La solution que préconise l'industrie textile française, qui rencontre dans ses grandes lignes d'ailleurs l'accord des autres industries textiles du marché commun, consiste en l'ouverture de contingents d'importation qui, mesurés au départ, seraient ensuite progressivement croissants. Cette solution donne le moyen de répartir la charge des importations nouvelles entre tous les secteurs et tous les stades de la production textile occidentale, et permet ainsi d'éviter le risque d'une concentration massive des importations sur un secteur donné. Si cette solution de mesure est, comme nous le pensons, adoptée par le marché commun, l'industrie textile européenne, comme les autres d'ailleurs, a encore de beaux jours devant elle. Évoquer les années 60 et donc aujourd'hui l'année 1961 sans faire entendre la voix du ministre français de la Culture serait une erreur. Les grandes voix radiophoniques, on se doit de les faire ressurgir. Dans Tact, voici André Malraux en déplacement le 8 mai à Orléans. Le 8 mai, Orléans, on devine ou on peut deviner le sujet. La radio enregistrait les discours d'André Malraux, Lina nous les restitue. Excellences, Monsieur le maire, Français d'Orléans, qui maintenez la fête la plus émouvante de la France. Le gouvernement a souhaité qu'aujourd'hui son représentant ne prenne la parole que pour un hommage à la seule figure de notre histoire sur laquelle se soit faite l'unanimité du respect. Fidélité qu'Orléans, Orléans seul, lui a témoigné à travers les siècles, fait oublier que Jeanne d'Arc est l'objet d'une aventure unique. La tardive découverte de sa personne n'affaiblit pas sa légende, elle lui donne son suprême éclat. Pour la France et pour le monde, la petite sœur de Saint-Georges devint Jeanne vivante, par les textes du procès de condamnation et du procès de réhabilitation, par ses réponses de Rouen, par le rougeoiement sanglant du bûcher. Nous savons aujourd'hui qu'à Chinon, ici même, à Reims, à la guerre et même à Rouen, sauf pendant une seule et atroce journée, elle est une âme invulnérable. Ce qui vient d'abord de ce qu'elle ne se tient que pour la mandataire de ses voix. Sans la grâce de Dieu, je ne saurais que faire. On connaît la sublime cantilène de ses témoignages de Rouen. La première fois, j'eus grand peur, la voix vint à midi, c'était l'été au fond du jardin de mon père. Après l'avoir entendue trois fois, je compris que c'était la voix d'un ange. Elle était belle, douce et humble, et elle me racontait la grande pitié qui était au royaume de France. Je dis que j'étais une pauvre fille qui ne savait ni aller à cheval ni faire la guerre, mais la voix disait « Va, fille de Dieu !» Certes, Jeanne est fémininement humaine. Elle n'en montre pas moins, quand il le faut, une incomparable autorité. Les capitaines sont exaspérés par cette péronnelle qui veut leur enseigner la guerre. La guerre, les batailles qu'ils perdaient et qu'elles gagnent. Qu'ils l'aiment ou la haïssent, ils retrouvent dans son langage le Dieu le veut des croisades. Cette fille de 17 ans, comment la comprendrions-nous si nous n'entendions pas sous sa merveilleuse simplicité, L'accent incorruptible avec lequel les prophètes tendaient vers les rois d'Orient leurs mains menaçantes et leurs mains consolantes vers la grande pitié du royaume d'Israël. Avant le temps des combats, on lui demande « Si Dieu veut le départ des Anglais, qu'a-t-il besoin de vos soldats ?» Les gens de guerre combattront et Dieu donnera la victoire. Chacun connaît cette réponse. Ni Saint Bernard, ni Saint Louis n'eussent mieux répondu, mais ils portaient en eux la chrétienté et non la France. L'année dernière, à la reprise d'Antigone, la princesse Thébaine avait coupé ses cheveux comme toi et disait avec ton petit profil intrépide la phrase immortelle « Je ne suis pas venu pour partager la haine, mais pour partager l'amour ». Le monde reconnaît la France lorsqu'elle redevient pour tous les hommes une figure secourable. Et c'est pourquoi, dans les pires épreuves, il ne perd jamais confiance en elle. Mais au centre de la solitude des hauts plateaux brésiliens, Jeanne d'Arc apportait à la République de Fleurus une personne à défaut de visage et la mystérieuse lumière du sacrifice, plus éclatante encore lorsqu'elle est celle de la bravoure. Ce corps rétracté devant les flammes avait affreusement choisi les flammes, et pour le brûler, le bûcher dut aussi brûler ses blessures. Et depuis que la terre est battue de la marée sans fin de la vie et de la mort, pour tous ceux qui savent qu'ils doivent mourir, seul le sacrifice est l'égal de la mort. Ô Jeanne sans sépulcre, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants, regarde cette ville fidèle. Jeanne sans portrait, peu importe tes 20 000 statues, sans compter celles des églises, à tout ce pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. Que les filles d'Orléans continuent à l'incarner tour à tour. Toutes se ressemblent, toutes te ressemblent. Lorsqu'en des temps difficiles comme celui-ci, elles expriment la fermeté, la confiance et l'espoir. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préféré, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence Et quand finit l'indifférence, passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir, et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Il y a les grandes voix historiques, il y a les moments forts, et puis il peut y avoir un prénom et un nom moins connus, mais évocateurs pour autant. La vie quotidienne dans les années 60, c'est aussi, et déjà ça, les organisations non gouvernementales, caritatives. Il y a dans la presse écrite et à la radio, par exemple, la Semaine de la Bonté, où les Français donnent aux Français. Raoul Follereau, créateur de la Journée mondiale de la lèpre, est l'invité de l'émission Compartiment réservé. Pierre Lost présente Compartiment réservé. Aujourd'hui, Raoul Follereau. Depuis 30 ans, Raoul Follereau a consacré chaque minute de sa vie aux lépreux. Son but, son seul but, était d'aller vers eux. Lorsqu'il a fait son premier tour du monde, 100 000 malades étaient soignés. 3 millions le sont aujourd'hui. Mais, malheureusement, 12 millions demeurent encore sans secours. C'est le bilan profondément pathétique de ces 30 années que Raoul Follereau a établi dans un livre intitulé « 30 fois le tour du monde » édité par Flammarion. Raoul Follereau, voudriez-vous, pour nos auditeurs, faire un peu ce bilan ? Mon Dieu, vous venez de le faire en un chiffre. 15 millions de lépreux dans le monde, 3 millions de soignés, 12 millions par conséquent qui demeurent encore sans soins, sans secours, sans amour. 12 millions d'hommes qui, au XXe siècle, sont atteints d'une maladie extrêmement peu contagieuse et parfaitement guérissable et qui attendent que nous, les bien portants, nous qui mangeons 3 fois par jour et qui nous imaginons un peu trop naïvement que le reste du monde en fait autant, qui attendent que nous, les gens heureux, nous consentions à ne plus avoir peur de ce vieux mythe imbécile qu'est la lèpre. La lèpre est une maladie banale à laquelle on a fait une stupide, une atroce publicité. Vous le savez, je ne suis pas médecin. Il ne m'appartient pas de soigner les lépreux, de guérir les lépreux. Mon rôle à moi, afin qu'ils soient délivrés vraiment de la lèpre, c'est d'essayer de guérir les bien portants de la peur absurde qu'ils ont de ces malades, de ces excommuniés sociaux, de ces bannis, de ces maudits. Au cours de votre dernier voyage, vous avez réussi une sorte de miracle. Vous avez emmené en Afrique 3 présidents de la République avec vous. Oui, vous savez que j'ai fondé il y a 8 ans la Journée mondiale des lépreux. Elle se célèbre le dernier dimanche de janvier. Ce jour-là, sur toute la Terre, chacun, où qu'il soit, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il pense, doit se dire « il y a 15 millions de lépreux dans le monde, pourquoi eux et pas moi ?» Cette année, 112 pays ont célébré le même jour cette fête mondiale des lépreux qui consiste pas seulement, pas tellement à récolter de l'argent. Voyez-vous, on s'imagine toujours que tous les problèmes c'est de l'argent. L'argent, ça ne résout rien véritablement, ça aide à résoudre. C'est un levier, c'est un outil, mais c'est pas un but, c'est pas une fin. La journée mondiale des lépreux, ce n'est pas de récolter de l'argent, c'est de tendre les mains. Qu'importe si nos mains sont vides, pourvu que nos mains soient tendues vers les lépreux. C'est aller dire bonne fête aux lépreux. Et je suis allé ce jour-là dans 2 léproseries. Enfin, ce jour-là, c'est un petit peu mentir, parce qu'il a fallu reculer de 8 jours la fête en Haute-Volta pour que je puisse assister à la fois au Mali et à Ouagadougou, à la journée mondiale des lépreux. Au Mali, où, mon Dieu, il faut bien dire que les relations entre le Mali et la France ne sont pas euphoriques actuellement. Au Mali, j'ai reçu l'accueil le plus cordial et le plus chaleureux, le président Modibo Keïta, tout le gouvernement et tout le corps diplomatique sont venus, et avec eux, à l'Institut Marchou, 30 000 personnes, vous entendez ce chiffre, c'est la police qui l'a confirmé, je n'y aurais jamais cru, 30 000 personnes sont allées dire bonne fête aux lépreux. Et il y avait sur l'estrade, assis bien gentiment côte à côte sur des chaises de jardin, l'ambassadeur d'Amérique, l'ambassadeur des Soviets, l'ambassadeur de la Chine populaire, voisinant avec celui de sa gracieuse majesté britannique, celui de l'Allemagne et celui de la France, etc. Il y a donc un dénominateur commun qui permet un jour que tous ces gens-là, dont il semble que la raison d'être soit de ne pas s'aimer, d'être rivaux, il y a donc un dénominateur commun qui leur permet un jour de s'émouvoir ensemble et d'applaudir ensemble. C'est cette charité qui n'est pas l'aumône, mais qui est l'amour, cette charité que nous devons aux pauvres gens. Vous avez eu une très grande, très belle et très noble idée, Raoul Folraud, le jour où vous avez écrit au président Eisenhower et au président Khrouchtchev. Je ne sais pas si c'était une noble idée, mais ça a été un bel échec. Je vous ai dit, la lèpre est une maladie très peu contagieuse. Je vous ai dit, la lèpre est une maladie parfaitement guérissable. J'aurais dû ajouter, et j'ajoute, puisque vous m'en donnez l'occasion, la lèpre est la maladie la moins chère du monde. Car aujourd'hui, avec 5 nouveaux francs, 100 sous en nouvelle monnaie française, avec 5 nouveaux francs, on peut acheter assez de sulfone pour soigner un lépreux pendant une année. C'est-à-dire que, dans une grande majorité des cas, on peut prendre un lépreux et le guérir, faire d'un lépreux un homme. C'est mieux que le guérir, c'est le ressusciter. Avec 5 nouveaux francs, hein, au prix de la bombe atomique, avouez que c'est donné. Alors j'avais eu cette idée, j'ai fait une lettre. Puis, vous savez que le papier carbone, on en fait 2 exemplaires facilement, alors j'ai fait 2 exemplaires. J'en ai envoyé un au général Eisenhower et puis l'autre à Monsieur Khrouchtchev. Et je leur ai dit ceci, vous êtes les deux hommes les plus puissants du monde. Oh, remarquez, ça signifie pas grand-chose. À notre époque, les hommes très puissants, sauf le mal, ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Seulement moi, ce que j'ai à vous demander, c'est rien du tout, c'est 3 fois rien, c'est moins que rien. Donnez-moi chacun un avion de bombardement. Donnez-moi chacun un dernier modèle, ça va sans dire, vous êtes des gentlemen, vous ne passerez pas un rossignol. Donnez-moi un de ces avions qui transportent les bombes atomiques et qui permettront de zigouiller 80 000 personnes à la fois. On ne fait plus le détail, c'est ça le progrès. Donnez-moi chacun un avion comme ça, puisque j'ai appris que le prix de 2 de ces avions-là nous permettrait d'acheter les sulfones nécessaires aux 12 millions de lépreux qui demeurent encore sans secours. 2 avions de bombardement. Alors j'ai insisté, c'était pas discret, mais enfin, je l'ai fait quand même. Je leur ai dit, voyons, qu'est-ce que ça peut vous faire? Un avion de moins à Washington, un avion de moins à Moscou. Le rapport des forces demeurera le même. Vous pourrez dormir tranquille. Moi, je dormirai mieux, parce que 12 millions de pauvres bougres dormiront enfin. Eh ben, ils m'ont pas répondu, ni l'un ni l'autre. Et les années ont passé, c'est ça, voyez-vous, le drame. Les années ont passé. Et les 2 avions que j'avais demandés à ce moment-là, ces 2 avions-là ne volent plus assez vite, ne montent pas assez haut, ne tuent pas assez sûrement. Les 2 avions qui eussent permis de soigner 12 millions de lépreux sont maintenant 2 tas de ferrailles promis au parc à démolition. Mais les 12 millions de lépreux souffrent toujours. Je ne tirerai pas de conclusion, chacun peut la tirer dans sa conscience et dans son cœur. Mais je continue la lutte. Et si je n'ai pas eu les avions de bombardement, j'ai eu l'obol des pauvres et le 1 300 000 000 de francs anciens cette fois que j'ai dans ma vie distribués aux lépreux, ce sont les pauvres gens qui étaient souvent de bien saintes gens qui me les ont donnés. Et ça aussi, ça a été une victoire de l'amour. C'était les années 60. Aujourd'hui, 1961, première émission. Documentation INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Annie Douel. Une émission de Philippe Garbi. À suivre.